passé, écouteurs sur les oreilles. J'écoute ma playlist de nuit, merveille, celle que personne connaît. Mon jardin secret, morceaux qui me touchent, me font voyager, c'est fait. Chaque chanson une mémoire précise. Premier amour sur ce slow entreprise. Road trip entre potes sur ce rock. Rupture douloureuse sur cette balade choc. J'ai honte de certains morceaux dedans. Guilty pleasure que j'avoue à personne vraiment. Mais seul dans ma chambre, j'assume tout. De la pop niaise au métal jusqu'au bout. Ma playlist de nuit, refuge intime. Ma playlist de nuit, émotions sublimes. 43 titres, 3h20, bande son de ma vie, c'est écrit. Ma playlist de nuit, refuge intime. Ma playlist de nuit, émotions sublimes. 43 titres, 3h20, bande son de ma vie, c'est écrit. Y'a le morceau de mon grand-père, jazz années 50, qu'il écoutait, maintenant il est plus là, je chante. Celui que ma sœur chantait en boucle, 6 ans, joyeuse, avant que la vie devienne compliquée pour nous, courageuse. La chanson que passait en boucle cet été-là, où tout semblait possible, insouciance. Là, celle qui passait quand j'ai appris la mort d'un pote. Maintenant je peux plus l'écouter sans chialer les notes. Les morceaux découverts à 4h du mat. Nuit blanche à scroller, algorithmat. Artiste inconnu qui me parle plus que les stars mainstream et leur surplus. Ma playlist de nuit, refuge intime. Ma playlist de nuit, émotion sublime. 43 titres, 3h28, bande son de ma vie, c'est écrit. Ma playlist de nuit, refuge intime. Ma playlist de nuit, émotion sublime. 43 titres, 3h28, bande son de ma vie, c'est écrit. La musique c'est ma thérapie gratuite. Mon antidépresseur, ma fuite. Quand je vais mal, je me plonge dedans. Ça me sauve encore et encore un instant. Des fois j'ajoute un nouveau titre qui capture parfaitement ce que je vis. Qui respire, d'autres fois j'en retire un. Trop douloureux, trop lié à quelqu'un. Cette playlist évolue avec moi. Témoin des années, des changements, des choix. Dans 20 ans je l'écouterai nostalgique. En repensant à qui j'étais, unique. 2h du mat, playlist qui se termine. Mode aléatoire, elle repart, s'anime. Je ferme les yeux, je me laisse porter par ces mélodies qui me définissent entier. Oh.